Exercice 6, page 152. A. Ta jupe est déjà sèche? B. Rajoutez une bonne louche. C. C'est le village le plus proche? D. Vous corrigez en rouge? E. Vous voulez changer de siège? F. Vous mangez du fromage?